Directement des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, Stéphanie Gagné. Et comme à chaque semaine, on va écouter le top 20 francophone et le top 20 anglophone, les meilleures pièces que C'est fou diffuse. Oui, et cette semaine, on a seulement 3 nouvelles entrées, une du côté francophone et 2 du côté anglophone, très peu. C'est comme juste la deuxième semaine où on n'a pas beaucoup de nouvelles entrées d'habitude. Là, D'après moi, la semaine prochaine, aïe aïe. Une avalanche, une dernière tempête pour la saison, peut-être. Ah! Mauvais goût. Alors, on va entendre dans les nouvelles entrées du côté anglophone Black Mountain et Cardinal Family Singers en 20e avec You Will Never Take This Song. Et on va commencer avec la nouvelle entrée du côté francophone, c'est On a créé un monstre avec une pièce de leur album L'Iceberg, Je pleure ou je ris. Et n'oubliez pas de rester avec nous tout au long de l'émission parce qu'il y a la chronique Guess What avec les affaires culturelles et artistiques à chaque fois. Avec les nouvelles artistiques et culturelles. C'est pas dur, là, nouvelles artistiques et culturelles. Pense-y un peu avant de dire ta phrase, ça va être correct. Et les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique. Bon. On finit par faire une phrase. On a créé un monstre au palmarès, c'est fou. C'était pas une belle phrase. On the floor, but I never saw you. You were dressed in black, and when I turned on the lights, everything was gone.

Martin Léon et Je te prends par les cheveux, monde de deux places, c'était une nouvelle entrée la semaine passée sur l'album Les Atomes. Et juste avant, c'était Antoine Corriveau avec la pièce Barcelone qui descend de 7 positions. C'est sa 4e semaine au palmarès. On va sauter par-dessus Dyko Jones et Tonight is Fine qui descend de 6 places, 7e semaine de présence. Hein? On aime bien ça, Dyko Jones, mais 7e semaine, ça commence à être vieux et des fois, on doit sauter par-dessus les choses vieilles. Ça arrive. On va aller tout de suite aux positions numéro 17 du côté anglophone. On entendra Young Galaxy et The Angels Are Surely Weeping. Ça descend de 11 places. Et du côté francophone, c'est Tracteur Jack qui est en nouvelle entrée la semaine dernière avec la pièce La fille du président qui monte de 2 positions. Hey, stop-moi ça, ton tracteur! Ouais. Ça file. C'est sûr. Battante sur mon pare-brise m'empêchait de voir. Elle n'avait même pas 18 ans. Elle habitait chez ses parents. J'ai cherché pendant des années la vie que j'aimerais aimer. Quand je l'ai connue, elle était polie et bien habillée. Elle n'avait même pas 18 ans. C'était la fille du président. Young Galaxy, Tokyo Police Club et Vanessa Parietaire dans les palmarès et fous au 89 FM. À l'UQTR, c'est fou dans vos oreilles. Numéro 17. We were conduits of love, led like phosphorescence, half asleep and self-indulged. We've lost our stars. we've lost our Young Galaxy avec la pièce The Angels Surely Weeping à la 17e position. Et en franco, c'était Tracteur Jack avec la fille du président. La fille qui monte de deux places. C'est comme la chanson thème de Sharky et George. Sharky et George. Ouais. J'ai fait jouer la semaine passée. J'en ferai pas le même gag cette semaine, même si tu l'as raté. Ah, c'est malheureux. Shame on you, shame on you. Shame on you. Ooh, c'est une bonne chanson, ça. Ah, OK. C'est l'expression aussi. Hein. Inward Eye. Ah, les gars. Hein? Inward Eye. Inward Eye, c'est le nom du band qui joue la chanson Shame. Connais pas. Très bonne chanson. Je pourrais écouter ça un jour. Absolument. Tout à l'heure, plus tard dans l'émission, on va voir évidemment ta chronique Guess What. Vers la fin, en fait, c'est en début de deuxième heure. Troisième heure. Troisième heure. Ça commence à être vague un peu pour l'auditeur, là, mettons. Là. Vers 5h10. Ou encore 6h10 pour les auditeurs du vendredi. 4h10. Je suis sûr. 4h10. Est-ce qu'on laisse faire les références de temps? Oui. D'accord. Donc, ça s'en vient. Et il y a aussi un instant classique qui s'en vient. Ça, c'est très bientôt. C'est dans environ 40 minutes, je dirais. Oh, c'est bientôt, là. Là, c'est bientôt. Ah, non, mais tu sais, parce qu'on a tellement pas de contenu dans cette émission-là, faut bien qu'on l'annonce de temps en temps, puis ça n'a pas choisi d'être loin. On va aussi faire le tour des palmarès, tantôt. Oui, oui. Oui, hein? C'est vrai. T'as raison. Ça va faire quelque chose à faire. Est-ce qu'on fait ça dans 15 minutes environ? Ouais. Parfait, vers les 40. Bon, bon. Alors, on est rendu aux positions numéro 16 et 15 qu'on va jouer ensemble, sauf une pièce. Donc, en 15e position, 16e position anglophone, tout à l'heure, on va avoir Tokyo Police Club avec End of a Spark, c'est stable. Et on passe par-dessus la pièce du côté francophone, c'est Jérôme Minière avec la pièce Le Café Espagnol, sa 7e semaine au palmarès et sa descendite de 6 positions. Alors, on va tout de suite écouter Tokyo Police Club, End of the Spark, au palmarès C'est fou, 89.1 FM. Dead, we know. 'Cause when he put you to bed,

Et la pièce Crowds. C'est ça. Position numéro 15, anglophone, ça monte de deux places. Avant 15e position francophone, c'était Vanessa Parietar avec la pièce Archipel de l'album Canicule et Ours Polaire. Et voilà. Et voilà. Excellent. Non? J'aime vraiment cette chanson. Celle de Vanessa. Aussi. Celle de Kai? Oui. OK. Moi aussi. On cherchait des informations sur Kai, c'est comme difficile, on dirait. Oui, c'est dur parce que tout ce que j'ai. En tout cas, il n'est pas sur Wikipédia. Non. Il n'est pas encore assez connu pour ça. Il y a d'autres Kai. Oui, il y a un autre groupe de R&B des Philippines ou je sais pas quoi. C'est ça. OK. Position numéro 14 du côté anglophone, c'est Chromeo avec Night by Night. C'est l'ancien numéro 1, donc chute de 13 places. Chute qui doit faire mal. On va parler de Chromeo tantôt dans Guess What? Ah! Il est au Junos. Oh! Bref, 14e position côté francophone, c'est Jérôme Dupuis-Cloutier avec la pièce Homme d'instinct qui reste stable. Vous êtes dans un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. C'est les palmarès C'est Fou. Une race en voie d'extinction. Vous ne pouvez m'emmener dans le train de l'évolution. Je ne bouge pas tant que j'ai faim. Laisse faire le coffre. Si c'était juste de moi, je coucherais dehors. Bienvenue chez moi, qui est aussi chez soi. Sous la belle étoile. Ça fait longtemps que je vis mon errance dans le dépassé d'une autre voie lactée. faire le cauchemar. Si c'était juste de moi, je coucherais dehors. Numéro 14. Night by Night, c'était à la 14e position côté anglophone. Et du côté franco, c'était Jérôme Dupuis-Cloutier avec Homme d'Instinct Stable, 7e semaine de présence. Hein? Le gars, il s'apparaît qu'il suit. Hein? À chaque intervention, il suit. Là, absolument. C'est où qu'on est rendu. Là. Tout à fait. C'est moi, ça. On va être rendu aux 13e place tout à l'heure. On parle ici de Harvey et de Wolf & Cobb. Mais avant ça, on va faire un petit tour de ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Parce que, Stéphanie, dis-moi si tu sais, si tu es au courant de la chose. Là. Les palmarès, c'est fou. C'est plus que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est, tu me demanderas? Qu'est-ce que c'est, Mathieu? Excellente question. C'est aussi le top 30 des CD, le top 3 des disques canadiens, le top 10 loud et le top 10 électronique. Hey! T'es impressionné, hein? Ah, tellement. Bon. Il n'y a aucune nouvelle entrée dans le top 30 des CD, donc je te laisse faire le numéro, le top 3. T'sais. Le top 3, troisième position, Armistice avec l'album du même titre. Deuxième position, Mother Mother avec Eureka. Et première position, The Rural Alberta Advantage avec Departing. C'est exactement la même chose dans le top 3 canadien. Je répéterai même pas. Non, même chose. Non. Dans le top 10 électronique, on retrouve trois nouvelles entrées. En 9e, Like Elliot Did avec If You Want Me To, I Will. En 7e, IMX avec Volatile Times. Et en 4e, Igor Box avec Breslau. Comme les biscuits Igor. Oui. C'est ça. J'en mange pas, là. J'ai essayé, en fait. J'en ai mangé récemment. Aux bananes, c'est quand même pas si pire. Mais ça, je sais pas. C'est pas le genre de choses que j'achèterais de nouveau. OK. Le top 3 dans le top 10 électronique. Troisième position, Sin Fang avec Summer Echoes. Deuxième position, Alol avec Confetti. Alol qu'on a entendu la semaine dernière à la fin du palmarès. Et première position qui reste stable, Semi Omime avec From Memory. Est-ce que t'as ri de moi à cause que je mange des biscuits pour enfants des fois? Non. OK. Okay. Je suis sûr que oui. Top 10 loud maintenant, il n'y a pas de nouvelles entrées. Par contre, le top 3, dans le fond, est composé de Motorhead. En troisième, avec The World Is Yours. En deuxième, c'est stable Children of Bodom avec Relentless, Reckless, Forever. Et en première, c'est aussi stable. Donc le top 3, en fait, je regarde le palmarès et tout est stable. Aucun changement dans tout le palmarès. Dans le 8 et le 9. Ah, ben oui, inversement, tout à fait. Donc, numéro 1, c'est Amon Amarth avec Searcher Rising. Et voilà pour ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. C'était semi-intéressant. Ben, on a pu voir que les Canadiens dominent dans le top 30 des 10 Canadiens. Tout à fait, c'est exactement ce que ça veut dire. Donc, on va retourner à nos palmarès top 20 franco et top 20 anglo pour aller se rendre aux 13e position. Du côté anglophone, on va avoir Wolf & Cobb qui monte de 7 avec une nouvelle entrée la semaine passée, Master. Et on commence avec Harvey avec la pièce Échelle numéro 9 de l'album Fury qui reste stable en 13e. Vous écoutez les palmarès, c'est fou au 89 FM. Shut 13. Master de Wolf and Cub en position numéro 13, ça monte de 7 places. Et avant, c'était Harvey avec la pièce Échelle numéro 9 de l'album Fury. Qu'est-ce que t'en dirais si on passait genre à la deuxième heure, mais après avoir pris comme un genre d'intermède, tu sais? Ça serait pas pire, hein? Ça serait du jamais vu. Ben c'est ça, hein? C'est... Oh mon Dieu. Et Colin, restez là. Qu'est-ce que t'en penses si on réaccueille les gens à la deuxième heure des Palmarès C'est fou? Ça aussi, ça serait pas pire. Bon, retour, c'est la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2011. Elle, c'est Stéphanie Gagné. Et lui, Mathieu Plante. Et vous êtes les... Palmier! Yeah! Hey! Je me suis pas trompé. Tu l'as eu? À chaque semaine, je dis requin comme les auditeurs de l'assemblage requis, hein? Exact. Et on avait décidé que les auditeurs de C'était fou s'appelaient les cétacés et je les ai pas encore appelés comme ça. Ça fait comme un mois là-dessus. Ouais. C'est poche, hein? C'est assez! Bon. Tout à l'heure, on va avoir les meilleurs moments ou les moments cocasses d'assemblage requis. Ça s'en vient dans un instant classique. Ça, c'est juste après le prochain bloc qu'on va l'entendre. Bloc qui sera composé par le fait même des positions 12, 11 et 10, mais seulement francophones. On va sauter par-dessus les positions 12, 11 et 10 anglophones, c'est-à-dire Braids en 12e avec Plat Heart, 11e The Deers avec Thrones et en 10e Heroes of Time avec Year Spring. On va aller entendre Bio Bazaar et les Breastfeeders, mais on commence avec une pièce de Chinatown, Tant pis pour moi, qui descend de 5 positions. Cette musique qui te va tellement bien, c'est l'amour, ce sourire détendu, à compter les étoiles quand nous serons ensemble, amoureux pour la vie, amoureux pour la vie. Pourtant je te connais, dessous tes survêtements d'intérieur, en coton comme au temps des esclaves, celui que je veux être à partir de maintenant, aujourd'hui et demain, toujours et à jamais. Tant pis pour moi, tant pis pour moi, tant pis pour moi, tant pis pour moi. Cette musique qui te va tellement bien, c'est l'amour, ce sourire interdit qui me hante les nuits. Où nous serons ensemble, amoureux pour la vie, amoureux pour la vie. Tant pis pour moi. Surpeuplé, c'est l'amour, ce sourire défendu qui me cherche des poux dans le simple appareil d'une beauté sans pareil, arraché au sommeil. Tant pis pour moi. les amours le savent jusqu'au bout du rail. Et les cœurs de neige et les âmes de corail. Ici je reviens comme une rafle incendiaire. Tous les murs trembleront et la nuit sera claire. J'ai couru car numéro 10. Je la chérirai à jamais. Avec Moon Queen à la 10e position, c'était le numéro 1.

une couverture de livre par Lorraine quelque chose. Lorraine Peterson. Lorraine Peterson? Bon. C'est pas elle qui anime Assemblage requis, lundi au jeudi entre 7h et 9h. Ici même sur les sortes de C'est fou avec François-Olivier Marchand et moi-même Mathieu Plante. Soyez à l'écoute dès lundi qui s'en vient là, là, là. C'est là, là. Dans quelques jours. Ouais, c'est ça. Dans quelques jours. Dans quelques jours. Pas de référence temporelle. Dans quelques jours. Ouais, je suis un petit peu strict là-dessus. Hein. C'est une de mes belles qualités. Pourrais-tu en trouver une qualité, mettons, que t'avais à en trouver une pour moi? C'est dur, hein? Non. Yes. Non plus. Non, ça... Non. Je pensais que j'en avais une, mais non. Donc, on va revenir à nos palmarès. C'est fou après ce beau moment. On est rendu au position numéro 9. Du côté anglophone, c'est The New Pornographers avec Moves. Ça monte de 2 places. Côté franco, c'est le Globe avec Hors du temps qui monte de 9 positions. Hey, David, combien de gens ça prend pour écouter le Globe? Ah! C'est une ampoule. Et les newfies. Ça prend des newfies. T'es tellement drôle, Mathieu Plante. Ben, non, mais c'est pas ça l'idée. Hein. The New Pornographers et Moves montent de deux places en 9e position anglophone, 7e semaine de présence. Et côté franco, le globe avec la pièce Hors du temps de l'album Post-Orchestre de mariage. Tu parles d'un beau bloc. Oui. Tu parles d'un bloc séduisant. Et quand même relativement vieux. Hein? D'un bar, l'autre bar plus jeune un peu. 3 semaines pour le globe, 7 semaines pour New Pornographers. Et les deux, ils vont ensemble. T'sais. Quand même. Quand même. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je sais pas. Vous êtes toujours au palmarès. C'est fou, une émission qui se tient pas vraiment et ça n'a pas besoin de se tenir parce que la musique vient tenir le reste. T'sais? Une chance. C'est comme la cannelle, ça vient ajouter quelque chose, mais c'est pas nécessaire des fois dans du pain, mettons, aux bananes. Mettons, tu peux mettre de la cannelle un peu, ça pourrait goûter bon. T'sais. Ouais, je vois pas le lien, mais on va continuer. Je suis en train de dire que je suis pas nécessaire. Bon, gars, je m'en vais. Je suis pas nécessaire. C'était-tu voulu que la chanson arrête en même temps? Ben, c'est sûr que c'est mon doigt qui l'a fait descendre. Non, mais j'ai pas vu ta main. Ah, mais je suis de même. Moi, je suis un prestidigitateur. Ben, c'est le vrai mot pour les magiciens. Voyons. Donc, est-ce que je suis si incompris que ça aujourd'hui? Oh oui. Oh oui. Je me sens monstrueux. Ne me regarde pas, je suis hideux. On revient-tu le sujet quand on était hors d'onde? Ah oui, ben oui, on a parlé du film Beastly que je suis allé voir à Montréal. Puis on a parlé du fait qu'on devrait envoyer la police arrêter c'est pas, non, mais Vanessa Hudgens, n'importe quel gars majeur va la trouver cute. Pas mal. C'est une question de goût, évidemment, mais tu sais, quand même, bien des gens la trouvent cute. Puis ça fait pas deux des pédophiles, là, voyons donc. Hey. Ouais, mais l'autre, c'est encore pire. Elle est encore plus jeune. C'est Ina Gomez. Hey, elle sort avec Justin Bieber, come on. Ben oui, mais là... Toi, tu ne tripes pas sur Justin Bieber. Il y a plein de filles de ton âge qui tripent sur Justin Bieber. Non. Excuse-moi, mais il y a plein de filles. Je connais pas personne de mon âge qui tripe sur Justin Bieber. Ben oui, c'est une abomination. C'est ça. C'est n'importe quoi. On débat sur n'importe quoi, en effet. C'est pour ça qu'on parle pas dans cette émission-là, parce qu'on s'emporte. Exactement. Arrête, là, moi, c'est genre les George Clooney de ce monde que j'aime. Là, ah oui, pas George les Clooney. Les enfants de 16 t'es ans. Tu pas qu'une face de patate? Non. Non. OK, peut-être pas George Clooney, mais dans Grey's Anatomy, là. C'est le beau Dr. McDreamy. Sloan. Non. L'autre. Bon. Bref. On complétera notre top 10 plus tard. Alors, moi, les acteurs que j'aime pourraient être les papas de celles que tu aimes. Ah! Ouais. Ça, c'est un coup bas. J'aime mais c'est véridique. Ben oui, je m'assume là-dedans. Alors, on est rendu aux positions numéro 8 du côté anglophone. On va entendre Sufjan Stevens avec I Want to Be Well. Ça monte d'une place. Et côté franco, Alexandre Desilets avec la pièce Apogea qui monte de 8 positions. Et Justin Bieber sera-t-il toujours notre numéro 1? Il n'a jamais été. Jamais. Il ne le sera never jamais. Never say never. Faut jamais dire jamais. Justin, t'as encore de l'espoir. On verra. Peut-être un jour. Ou pas. Ça dépend. J'ai le goût de pleurer. Quelle idée elle a eu de nous faire marcher à pas de géant. L'un de nous devait bien finir par tomber avant de se rendre. Les nuits sont trop froides là où je vais. 8. Apparitions gonna rise. La pièce qui ne se termine jamais, Sufjan Stevens avec I Wanna Be Well, je l'adore, mais... Elle est tellement bonne. Moi, je voulais même pas qu'elle finisse. Ah, pour vrai? Ah, on peut la repartir, si tu veux. Bon. On rentrerait peut-être pas dans le temps. Ah, ouais. Peut-être pas. Donc, c'était la position numéro 8 du côté anglophone I Wanna Be Well. Et du côté francophone, c'était Alexandre Desilets avec Apogéen de l'album La Garde. Mm-hmm. On va voir nos prochaines positions, les 7e, Panache et The Almost dans quelques minutes. Avant ça, on doit se prendre une petite pause plage. Se faire tremper les orteils. Oh, j'aimerais ça. On n'est pas rendu là encore. Je me vois déjà dans le futur. Ah oui, j'ai hâte à cet été. Oui, l'été qui dure tellement longtemps ici. Ça va me faire pleurer. Ouais, je sais. Elle devrait même pas commencer l'été parce que quand elle commence, c'est déjà fini. Déménageons le studio à Los Angeles. Ah, ben, bonne idée. On n'a pas pensé à ça. Je sais pas, ça coûterait combien de faire ça. On va y penser, bon. C'est fou. 89. 1-1. Là, je réfléchissais, puis c'est fou, j'ai comme parlé avec la direction. C'est fou est prêt à nous payer, OK, une croisière, d'accord, en mer, sur un gros, gros, gros bateau. Et on va pouvoir animer Assemblage requis cet été sur le bateau de croisière. C'est vraiment, c'est magnifique. Oui, ben oui, c'est vrai. T'as-tu fait un petit somme, là? Tu rêvais-tu à ça pendant la pub? Non. C'est tout à fait réel. Aucun mensonge permis sur nos ondes ici. Donc, ça va être Assemblage requis en croisière ou la vie de croisière d'Assemblage requis. Ça va être cet été. Ici même, une fois par semaine, sur les ondes de C'est fou. Soyez à l'écoute. On vous avertira de l'heure et du jour. OK? N'importe quoi. Oui. Pourquoi pas? Bon, donc sortons de ces folies et retournons nos palmarès, c'est fou. On est rendu aux positions numéro 7 du côté anglophone. C'est The Almost avec Birmingham, ça monte d'une place. Et côté franco, Panache avec Le Genou de Claire qui monte de une position. Là, je vais mettre une petite étoile. C'est pas de la vraie argent et c'est pas une vraie croisière, mais ça va avoir l'air vrai. Restons calmes et n'ayons l'air de rien. Tout sera réglé avant demain. Ce désir-là qui m'arrache la tête, il est peut-être. Yeah. Birmingham de la formation The Almost en 7e position de l'album Monster Monster EP. Et en francophone, c'était Panache avec Le Genou de Claire qui monte d'une place 8e semaine de présence. Oui, oui, oui, oui. C'est pas mal assez fou à commencer de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Et évidemment, on vous présente un top 20 franco, un top 20 anglo. Et si on a le temps d'électronique à la fin, hein? D'ici la fin de l'émission, il y a aussi la chronique Guess What avec Stéphanie Gagné. Oui, dans une demi-heure à peu près. De quoi on va parler environ... Des Junos, c'est certain. Junos qui avait lieu la semaine dernière. Alors, on va parler de ça. Il y a aussi beaucoup de nouveaux vidéoclips cette semaine de plusieurs artistes. À part de ça, quoi d'autre qui est nouveau? Je vais parler aussi des publicités. Tu sais comment j'aime ça, quand il y a des publicités qui ont des artistes inconnus. Oui, moi aussi, d'ailleurs. Il y a 3 publicités que j'ai écoutées cette semaine qui avaient des bonnes pièces à l'intérieur. Devant Beasley? Que je suis allé voir mardi, on en parlait tantôt. Il y a eu une pub de TELUS là, avec une chanson super bonne dedans qui parlait de Change. Je sais pas si tu l'as entendu dans la version en anglais de leur campagne publicitaire sur le fait que tu peux changer de téléphone avec plein d'attrapes, j'imagine, là-dedans. Là. Non, ouais. Moi, j'aime TELUS. Oui, ben, ça va. Là. Mais outre la propagande de ton deal qui finissait aujourd'hui, là, pour les autres gens, hein, apparemment qu'il y a comme une nouvelle offre. Ah. Et puis, bref, il y a une nouvelle publicité, puis il y a une bonne pièce. Oui, avec le perroquet, là. Puis là, il arrive 2 autres. Possible? En tout cas. Don't remember? Mais non, j'ai pas entendu la pièce. D'accord. Mais TELUS sont assez connus pour faire des publicités avec des artistes écœurants. C'est comme les Apple du Canada. Exactement. Ben oui. Donc, ce sera tantôt, on va en parler dans Guess What, ta chronique artistique et culturelle qui s'en vient en début de 3e heure. Oui. Mais pour l'instant, on est rendu aux 6e position. Du côté anglophone, il y a Atomic Baobab avec Unstable, ça descend de 2 places. Et côté franco, Monogranade avec la pièce Man avec qui reste stable à sa 5e semaine. On écoute ça dans les palmarès, c'est fou, au 89 FM. Mon allée 6. Atomic Baobab et Unstable en position numéro 6, ça descend de deux places. Et avant, c'était Monogrenade avec la pièce M'en aller de leur album Tantal. C'est ce qui termine la deuxième heure des Palmarès. C'est fou, il y en a une troisième qui s'en vient et faut même pas désespérer parce que c'est comme tellement rapide, là, genre 2 minutes quelques. Fouin, on revient avec les nouvelles articles culturels, du plaisir, les oreilles vont vous saigner de bonheur. C'est sûr. C'est pas une belle image du tout, ça. Non, mais c'est vrai que ça va être rempli de joie. Bon, mais si Stéphanie le dit, c'est que c'est sûrement plus vrai que quand moi je dis quelque chose, parce que moi je ne le crois jamais. Ah, c'est fou la rondeuse. Ah. Troisième heure des palmarès Sifu pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2011. Stéphanie Gagné. Mathieu Plante. Stéphanie Gagné. Mathieu Plante. Toujours Stéphanie Gagné. Ah ouais, c'est à peu près oui, ça. Oui, oui. OK, donc troisième heure qui commence avec les positions numéro 5. Du côté anglo, on retrouve Ringo Dead Star avec So High qui monte de la 18e place. Ça monte beaucoup. Et côté francophone, un groupe qui fait partie de la 15e édition des Francouvertes, les Handclaps, avec la pièce Cliché, qui monte aussi de pas mal 12 positions. Mais qu'est-ce qui se passe avec eux? Ça doit être parce que c'est bon. Ça doit. Ça doit être ça. C'est un soupçon. Une hypothèse. On va enquêter là-dessus, on va mettre le stagiaire là-dessus. Ah non, il est malade en ce moment. Une autre fois. So High de la formation Ringo Death Star à la 5e position, ça monte de 13. J'ai une dépendance pour cette pièce-là, Stéphanie. Elle est vraiment bonne. C'est peut-être aussi le jeu de mots que je vais utiliser quand elle sera numéro 1. Ouais. Justement, du côté franco, c'était Alien Claps avec Cliché, ça monte de la 17e place, donc de 12 à peu près. Plus oui, ou moins. Oui. Maintenant, c'est le moment de parler des nouvelles artistiques et culturelles avec Stéphanie Gagné. Voici Guess What? Guess what? Guess what? Guess what? Guess what? Qu'on se connaît? Guess what? Guess what? Approximativement 12. Non, c'est pas mal 12. Donc, Stéphanie, qu'est-ce qui se passe? Cette semaine, il y a beaucoup de nouveaux vidéoclips qui sont sortis. Alexandre Désilet pour la pièce La Garde. Excellent vidéoclip. Je l'ai vraiment aimé. C'est super bien réalisé. C'est vraiment... Je pense qu'il y avait vraiment gros du budget. Tu iras le voir sérieusement. C'est vraiment un beau clip. Je l'ai mis sur ma page Facebook cette semaine. C'est vraiment un beau clip. Ensuite de ça, Stars, vidéoclip pour la pièce Changes de leur album Five Ghosts. Broken Bells pour la pièce Heartless Empire. PJ Harvey pour Written on the Forehead. Et aussi un nouveau clip pour The Strokes avec la pièce Call Me Back. Ce vidéoclip-là est très, très, très simple. On voit pendant un très long moment juste des gouttes d'eau qui tombe au ralenti. C'est tout. Ah. Puis après ça, on voit une fille, puis il y a de l'eau qui coule dessus au ralenti. Ah. Et c'est ça le clip. Bizarre un peu. Très étrange, mais c'est un beau clip, mais tu sais, sans plus. Tu te sens comme dans la pub de Cheerios. Avec des gouttes de pluie. Ouais. L'ambiance d'eau. Ouais. C'est ça. Tantôt, on parlait de publicité. Il y en a trois que j'ai entendues cette semaine. Et là, évidemment, il faut mentionner les compagnies, même si on ne veut pas faire de la publicité pour eux autres. Non, loin de nous l'idée. J'ai entendu Rural Alberta Advantage dans la publicité pour Molson Canadian pendant les Junos. J'ai entendu leur pièce qui est au palmarès, qui l'était en tout cas la semaine dernière. On va voir si ça l'est encore cette semaine. Quel suspense rattrapé, ça! Avec la pièce Stamp. Ensuite, tu as aussi Molson, pour la Molson M. Celle-là, ça fait quand même longtemps que je l'ai entendu. C'est The Black Keys avec Telling You to Be Ready, Black Keys. C'est un groupe que j'écoute non-stop ces temps-ci. Et aussi Neon Trees avec la pièce Animal pour une publicité de Chevrolet. Donc, j'aime beaucoup les publicités quand ils ont une bonne pièce qui n'est pas nécessairement connue. Ouais, c'est ça. Et qu'ils prennent pas le cliché, là, la pièce que tout le monde connaît déjà. T'sais. Ouais, c'est ça. Découvrons des nouvelles choses. C'est un petit peu le résumé de C'est fou. Ouais. Uh-huh, exactement. Ensuite de ça, est-ce que tu connais Amy Adams? Oui, l'actrice rousse. Oui, exactement. Elle était nominée aux Oscars comme actrice de soutien pour le film The Fighter. Eh bien, on a appris cette semaine que ça va être la prochaine Lois Lane. Ah! Toi qui aimes les bandes dessinées, oui, etc. Est-ce que tu lisais Superman? Non. Enfin bref, ils vont sortir un nouveau film, Superman Man of Steel, ouais, avec Henry Cavill dans le rôle de Clark Kent. Et c'est Amy Adams qui va jouer Lois Lane. C'est je suis vraiment super. Contente, je l'aime beaucoup. Moi aussi. Je l'aime bien, Amy Adams. Et quand même, les parents, Jonathan et Martha Kent, Kevin Costner et Diane Lane. Quand même, OK. C'est pas... C'est vraiment weird, hein? Ouais. Mais c'est quand même des acteurs assez connus. Ouais. Fait que... Mais je les imagine bien ensemble. Je peux voir, ouais, un petit... Ouais. J'apprécie l'idée d'avoir trouvé ces deux-là. Ouais. Ouais, donc c'est ça. Ça reste à voir quand le film va sortir. Malajub qui sort un nouvel album le 19 avril, La Caverne, ont annoncé les premières dates de tournée pour cet album-là. Il y a 4 dates qui sont en Ontario. Ça se passe au mois d'avril. Et 5 autres dates au... D'âtre. Ben oui. D'âtre. What's d'âtre? 5 dates au Québec, 2 à Montréal au Cabaret La Tulipe, 2 à Québec au Théâtre Petit Champlain et 1 à Jonquière. Pour Montréal, ça se passe le 19 et le 20 avril. Et pour Québec au Théâtre Petit Champlain, c'est le 22 et le 23 avril. Donc Jonquière, on s'en fout, c'est ça? On ne va pas à Jonquière. Ben, c'est ce qui me surprend que Ménager aille à Jonquière. Mais bon. Moi aussi. C'est cool. Tu n'aurais pas pu venir à TR City? Ben non, hein, TR City, là, ça va être vide comme partout. Tout le temps. Peu importe ce qu'ils font, non, mais sérieusement. Le seul show qui est plein, ça a l'air, c'est celui que je vais aller voir. Ben, ça va l'y aller. Ah, ben oui. Si quelqu'un a des billets à revendre. Le commerce, toi, quand là. Même. Okay. Hey, sérieusement, je suis triste de ne pas être à Montréal parce qu'il y aurait pu avoir des scalpers en dehors du show de Vincent Vallière. Hey, j'aurais payé cher, là. J'aurais payé le triple du prix du billet juste pour aller voir Vincent Vallière. Mais là, il reste plus billet. Non. Bref. Trop tard. C'est pas dans ma chronique. Ben oui. Ensuite, petit retour sur les mardis la relève de cette semaine. C'était une pas pire soirée, trois bandes, que à la fin, les juges, on avait toutes le même numéro un, mais les notes étaient très proches l'une de l'autre. Premier groupe, The White Wedding, qui ont seulement fait 14 minutes sur les 25 qui leur étaient alloués. Donc, quand même, c'était un des commentaires que la plupart des juges ont mentionné qu'ils auraient dû profiter du temps qui leur était alloué pour nous démontrer que c'est eux qui méritent de gagner. T'sais. On t'enlève des points si tu dépasses la limite de, tu viens de dire, 25 minutes. Ouais. Sinon, t'es pas récompensé. T'as pas de points additionnels pour pas dépasser. Donc. Non, mais exactement. Profites-en. Hein? Mais c'est ça, profites-en. T'as 25 minutes. Là. Mm-hmm. Donc, ils ont juste fait 14 minutes. C'est étrange. Ouais. C'était quand même bon. Ensuite, tu sais, il y a eu les Yeya avec une chanteuse qui était là l'année dernière au Mardi la Relève, mais dans un autre concept acoustique avec d'autres musiciens. Et cette année, elle est revenue. C'était, elle a vraiment une voix là, à couper le souffle. En tout cas, la meilleure chanteuse à présent dans le concours. Ah oui. Mais vraiment, des fois, est capable de chanter très bien et des fois elle pousse sa voix, tu sais, comme une fumeuse rockeuse là. Et elle a tellement poussé sa voix dans les premières pièces qu'à la fin elle commençait à manquer de voix, mais bon, c'est quand même eux qui ont gagné. C'était très solide comme performance et ils savent comment donner un show, ils font embarquer le public et c'était vraiment le fun. Et dernier groupe, je les ai vraiment aimés moi, Jurassic Punk. Tout d'abord, il y avait des costumes de scouts. OK. Très cool. Il y avait de la décoration sur le stage, des branches d'arbres, des feuilles, tout le kit. Il était tellement drôle. C'était un peu du rock emo que j'écoutais au secondaire. Là, très Blink-182, etc. Ouais. Là. Mais avec l'humour de trois gars sur sofa, les trois accords, etc. Et ça faisait vraiment un méchant beau mix. Ils ont fait deux interludes, dont une qui était à la façon Normal Amour. Et c'était vraiment hot! Pas Normal Amour! Ah, mais c'était drôle! Puis il parlait aussi de Babu, de Musique Plus, qui a comme disparu de la surface de la Terre. Ouais, pas mal, hein? Personne ne sait il est où. Supposément qu'il est à Sorel, selon les paroles de la chanson de Jurassic Punk. Mais c'est peut-être inventé de toute pièce, on sait pas. Probablement! Enfin bref, Jurassic Punk, groupe à découvrir. C'est moi qui ai eu l'honneur d'aller leur remettre les feuilles des juges à la fin de la soirée. Et je leur ai dit, réessayez-vous parce que vous étiez vraiment bons. Ils ont dépassé le temps de 25 minutes, donc à cause de ça, ils ont perdu 10 points. Là, 25 minutes, ça commence à être long quand même pour une performance comme ça qui est supposée être rapidement courte. Ils ont courte, fait là. 27 quasiment. Et là, c'est il y a des non, points. 28. Plus tu dépasses, plus il y a de points ou est-ce que c'est... À partir de 2, on enlève des points selon combien ils ont dépassé. OK. S'ils dépassent de 1 minute, on enlève la moitié des points. S'ils dépassent de 2 minutes, c'est 0. Oh, ça va vite quand même. Et est-ce qu'il y a un chronomètre, une façon de oui, dire oui, aux groupes? Oui, on chronomètre toutes les performances. Mais est-ce que les groupes savent qu'ils sont rendus non, à 25 il faut minutes? Quand ils pratiquent, il faut qu'ils sachent combien de chansons rentrent dans leur temps. C'est quelque chose, mais quand même, ça inculque un peu de professionnalisme qu'ils vont avoir besoin pour faire des vrais shows. C'est ça, quand tu fais les shows, tu peux pas dépasser ton temps. Mais non. Quand tu fais la première partie d'un groupe, tu peux pas dépasser de 15-20 minutes. Là. Non, non. Donc, c'est ça. Mais très, très bon match. Je me suis vraiment fait beaucoup de fun. C'était très cool. Tant mieux. Ensuite, ça. On devrait quand même rappeler que Mardi de la Relève, ça continue mardi prochain. Hein? Toujours. C'est ça, il en reste quand même plusieurs soirées. Une bonne soirées. Gang. Je pense qu'on était seulement à la sixième soirée des Mardis de la Relève. Donc, il reste encore 3 ou 4 quarts de finale, suivi de 3 demi-finales et la grande finale qui va être au mois de mai. Parfait. Et ça se passe au Gambrinus, toujours Gambrinus, les mardis soir à 21h, quand la game joue plus. Ah! Hein? Une petite particularité additionnelle à ça. Là. Oui, si la game joue à 21h, on va attendre que la période finisse. Oui. Hein? Ben oui. Bon, prochaine nouvelle. Dare to Care Records, ils vont avoir une tournée pour les 10 ans de Dare to Care. Ouh. Et ça se passe du 26 au 29 mai. Il y a quand même des gros noms. Bernard Alamus, Tricot Machine et les frères Goyette au Divan Orange. We Are Wolves, Jimmy Hunt et Panache à la Sala Rossa. Lake of Stew avec Podcast qui est le Husky au Quai des Brumes. Ça va être cool. Donc, c'est ça. Dare to Care Fest du 26 au 29 mai prochain. Finalement, il me reste encore 2 petites nouvelles, mais finalement, elles ne seront pas si petites que ça. Les Junos. Ah! Oui, il y avait la version pas qui passait pas à la télévision le samedi. Puis que là, on voyait grâce aux réseaux sociaux les résultats. Moi, j'étais un peu fâchée parce que je voulais pas avoir les résultats avant le dimanche sans le voir. Mais enfin, c'est ça. Ça se passait dimanche soir et il y a eu des performances très, très, très plaisantes. Ça a commencé avec Down With Webster qui ont vraiment mis le party à la soirée. Ensuite, il y a eu Chili Gonzalez, Tokyo Police Club, Broken Social Scene, Chromeo avec la pièce Hot Mess. C'était vraiment super bon. Et Arcade Fire avec la pièce Rococo. C'était vraiment très bon. Et ouais, il va falloir relouper ça, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, là. Wow! Ah non, attends. Commence pas à chanter. J'ai une version faite exprès pour quand tu dépasses. T'en peux être ici, je pense. Celle-ci. Qui commence sans le Guess What, c'est bien. Hein? Tant qu'à parler du behind the scenes de la chose en me disant de relouper, je vais te donner tous les détails au monde. Si ben là. Oui. Ben pourquoi pas. Mais c'est le fun. Ben oui. Bon, donc Arcade Fire, vraiment pas étonnant quand j'avais dit un peu mes prédictions. J'avais dit que probablement Arcade Fire allait gagner les prix pour lesquels elle était nominée et... Voilà, ils ont gagné beaucoup de prix. Ils ont gagné album de l'année, groupe de l'année. Ils étaient contre Broken Social Scene, Down With Webster, Great Big Sea et Three Days Grace. Pour nouveau groupe de l'année, Colorado et Mr. Valor étaient nominés, mais c'est Seth The Whale qui a gagné. Songwriter of the Year, Arcade Fire avec Ready To Start et We Used To Wait de l'album The Suburbs. Et album alternatif de l'année, The Suburbs de Arcade Fire, qui était contre Broken Social Scene, Carqua, Owen Pallet et Tokyo Police Club. Donc, ils ont gagné tout ce qui était nominé pour. Bravo à eux. Oui, en effet, bravo à eux. Et pour album francophone de l'année, c'est Carqua avec Les Chemins de Verre. Pas étonnant non plus. Non. En gros, il n'y a vraiment pas eu de surprise. Mais c'était quand même le fun à écouter parce qu'il y avait des bonnes performances. Broken Social Scene avec la pièce Chasing qui était vraiment impeccable. Chromeo que j'ai mentionné avec Hot Mess, c'était super bon. Tokyo Police Club qui avait vraiment pas l'air d'être à leur place. Non. Qui était hyper mal à l'aise avec la pièce que j'adore, Bambi. Il y a eu un problème de son. Oui, il y a eu un problème de son. Il y a un petit 2-3 secondes, on n'entendait plus la voix du chanteur. Spécial. Donc ça aussi, ça n'a pas dû aider à se sentir à leur place. Ouais. Je sais pas s'ils s'en sont rendus compte, parce que ça a apparu quand je chantais. Comme fait. Il avait tellement l'air mal à l'aise déjà au départ qu'on n'a pas vu grande différence. Mais enfin bref, c'était très plaisant. Et finalement, ma dernière nouvelle que tu vas vraiment aimer... Okay. On aime, ben les deux en fait, on aime les bons vidéoclips. Par exemple, Colorado et OK Go qui sont reconnus pour ça. Eh bien, Death Cab for Cutie vont filmer et diffuser simultanément le clip pour la chanson You Are a Tourist. Et ça va être en direct le 5 avril à 19h. Ça va être tiré de leur prochain album Codes and Keys, le 7e album qui sort le 31 mai. Et en fait, le clip, c'est scénarisé. Tout le kit et ça va être filmé en une prise en direct. Et ça va devenir ça le clip. Oui. Pour vrai. Wow! Le clip va être filmé en direct en une prise. Super bonne idée. C'est vraiment cool. Wow! Et c'est ça, vous avez juste à aller sur le site youareatourist.com le 5 avril à 19h. Et c'est ça. Et c'est Tim Nakashi qui va réaliser ce bout de film. Timmy. Et il a travaillé avec Radiohead et OK Go. OK. Alors, ça promet. Ça va être un très bon clip, c'est sûr. Ah, c'est sûr. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et justement, c'est la pièce qu'on va entendre en attendant que le clip sorte. Death Cab for Cutie avec You Are a Tourist. On écoute ça à l'instant. C'était bon, hein? Ben oui. Death Cab for Cutie. C'était super bon. You are a tourist. Alors, je vous rappelle que c'est le 5 avril à 19h que vous allez pouvoir voir le premier vidéoclip ever. Ever, comme ils ont écrit. Ben oui. À être filmé en direct en une seule prise. Une seule prise qu'ils vont montrer sur Internet, évidemment, parce que moi, je me dis qu'ils vont sûrement la pratiquer 1000 fois, enregistrer, réécouter pour s'assurer que tout est parfait. Ben oui, comme ça, les sur Internet. De OK Go. Ben oui. En une seule prise, pratiquer 1000 fois. C'est ça. Comme avec les chiens. Une seule prise de vue, c'est plus ce que ça veut dire, tu sais. Ouais. Une seule fois, il n'y aura pas de montage dans le vidéoclip en tant que tel. C'est ça. Bon. Donc, c'est quelle date? Le 5 avril à 19h. Ça, j'allais dire, ouais. 5 avril à 19h. Donc, c'est bientôt. On retient ça et après ça, on va vous tenir au courant de qu'est-ce que ça a donné, hein? Mardi. C'est sûr et certain, genre, de voir ça. C'est tout pour la chronique Guess What de cette semaine, Stéphanie? Oui, tout à fait. Merci. De rien. C'est super apprécié. C'était long en Moses, ma chronique, hein? Ne laisse pas toujours. on est rendu au position numéro 4 des palmarès C'est fou du côté anglophone. C'est The Megaphonic Thrift avec The Undertow, ça monte de 3 places. Et côté franco, Peter avec Oma qui monte de 5 positions. Puis après ça, regardez bien si on joue pas les troisièmes en plus. Ah, c'est sûr. Ça pourrait arriver. Je laisserai les marées basses me raccompagner jusqu'à chez moi. J'implorerai le temps qui passe de cesser de passer par là. La nuit est jeune à ce qu'on dit baliverne. La nuit est vieille et périssable. Elle est inflammable. Oh, ma maison qui brûle, je fume ma peau. Oh, ma maison qui brûle, je fume ma peau. Oh, ma. Chez elle, à me regarder mourir de honte. Il y a à boire et à fumer mes îles. Il n'y a rien à croire. Une tumeur, médaille d'or, a dévoré mes espoirs olympiques. Je n'ose plus sortir dehors. J'ai peur de m'y perdre encore. Oh, ma maison qui brûle, je fume ma peau. Oh, ma maison qui brûle, je fume ma retour Armistice, Mother Mother, Galaxy et Gatineau au palmarès C'est fou au 89 FM. Ah, c'est fou là, vous avez. 89. Numéro 4. vos oreilles. Time.

Without your consent, without your okay, all my friends and all my family suddenly don't understand me. Understand I'm not the man they think I am. Oh, where'd it go? Oh, where'd it go? Oh, where'd it go? Oh. Chasing It Down de Mother Mother en position numéro 2, ça monte d'une place du côté anglophone. Et avant, c'était Gatineau avec Karaoke King de l'album du même nom. Il nous reste les numéros 1, on va se quitter avec ça. Je l'ai dit tout de suite, Karim Ouellet du côté francophone avec Météor sur l'album Plume. Ça monte de 10 places, ça a été là ça, pendant 8 semaines jusqu'à maintenant. Tellement une bonne pièce. Mais ça. Côté anglophone, une excellente pièce aussi que 7e semaine au palmarès Stamp de la formation de Rural Albert Advantage. Voilà, c'est ce qui va conclure l'émission. Restez à l'écoute parce qu'évidemment, Stéphanie reste avec vous les jeudis soirs avec une pêche en mission. Qu'est-ce qui s'en vient, Stéphanie? Carquois, Broken Social Scene, First Aid Kit, Mr. Valère et plein d'autres bonnes musiques. Ça, c'est pour les auditeurs du jeudi à une pêche en mission. Ça commence à 17h et ça rejoue aussi les mardis à partir de 14h. Voilà. Les auditeurs du vendredi, eux, vont aller rejoindre les Lutins de l'Enfer qui commencent à 20h dans quelques minutes à peine. N'oubliez pas d'écouter le palmarès électronique les samedis soirs dans le vestibule avec Jean-François Fecteau. Ça se passe à partir de 21h. On se retrouve lundi matin à 7h avec Assemblage requis, François-Olivier Marchand et moi-même. Toujours aussi question d'être drôle, mais bon, ça n'est pas des goûts. Hein. C'est très subjectif. Ouais, ça dépend. Des fois, je me trouve drôle. Ouais, c'est ça. Donc voilà, passez une belle fin de semaine ou semaine ou peu importe quoi. Puis à bientôt. Bye bye. Bonne émission, Stéphanie. Merci. Bye. Regarde-moi bien, si c'est faux, mais j'en parle demain. la fin de semaine. Je t'aime, j'ai déjà vu quelque chose de même qui se peut. Wasted tonight.